Chapitre 14e. La maison de santé du docteur Epaminondas Meraki, grande médaille d'or à l'exposition de Chicago, etc., se composait de deux pavillons contigus, de style Louis XIII, briques apparentes et chaînes de pierre, comprenant chacun deux étages surmontés d'un toit d'ardoise. Le pavillon de gauche était affecté aux pensionnaires. Ses fenêtres du rez-de-chaussée étaient constamment closes par des volets rembourrés. Celles des premiers et seconds étages étaient garnies de robustes grilles de fer pour empêcher les locataires de faire le saut au cas où ils en auraient ressenti l'envie. Le docteur Meraki habitait le pavillon de droite, lequel avait été agrandi par une sorte de véranda vitrée dont le toit garni de balustres formait terrasse et qui servait aux médecins de cabinet de consultation. Piébald et Argoulian, qui semblaient parfaitement connaître les êtres, laissèrent les infirmiers escortant le ménage Clams se diriger vers le pavillon des pensionnaires, cependant qu'eux-mêmes gravissaient le perron de pierre élevé d'une demi-douzaine de marches qui conduisait à l'entrée de la résidence du lauréat de l'Université de Philadelphie. Un domestique vint leur ouvrir et les conduisit dans un vaste salon orné de tableaux et d'objets d'art de toutes sortes, et où se voyaient à la place d'honneur les différents diplômes honorifiques et autres conquis par le docteur Epaminondas Meraki. « Annoncez M. Gandour et un ami, » ordonna Piébald. Le valet s'inclina. Deux minutes s'écoulèrent. Une porte à deux battants faisant face à la monumentale cheminée de marbre blanc s'ouvrit. Un petit homme en redingote, face chafouine et osseuse, aux yeux vifs, au nez de mouton surmontant une moustache noire coupée court, apparut. Il dévisagea ses visiteurs et, sans mot dire, leur fit signe d'entrer. La porte franchie, ils se retrouvèrent dans la véranda, dont d'épais stores de soie blanche masquaient les vitres. Le docteur leur indiqua à chacun un fauteuil et referma la porte qui était matelassée à l'intérieur pour éviter les indiscrétions et dont il poussa le petit verrou nickelé. Lui-même s'assit devant son vaste bureau d'acajou à moulure de cuivre encombré d'instruments de toutes sortes et en langue grecque susurra « Et alors ?»« Golias est prisonnier. Il est mort ou n'en vaut guère mieux, » expliqua Argoulian. « Teddy l'a assommé. Il a eu un accès de rage. « Ton remède a des défaillances. »« Cela arrive, » fit placidement le docteur Meraki. « L'organisme se défend, mais c'est rare. »« Teddy m'a mis aux trois quarts étranglé, moi, grommela Piébald. »« Mais il est revenu ensuite aussi doux qu'un mouton. »« Il faut dire que je lui ai fait prendre de la poudre numéro 2 à chacun de ses repas. »« Il n'était pas seul, » reprit Argoulian. « Il est marié avec Julia Jacobsen, la fille aux perles. »« Et je me demande s'il n'a pas les perles dans son sac. » Nous n'avons pu y toucher. C'était la seule chose qui l'intéressait. Et nous avions peur qu'il ait un nouvel accès. Il eût été capable de nous écraser. Vous êtes sûr qu'il est marié avec la petite Jacobsen ? Questionna Meraki. À bord de l'Australian, ils étaient inscrits sous le nom de Monsieur et Madame Jacobsen, observa Piébald. Le docteur hocha la tête. Nous allons voir cela, conclut-il. Ici, rien de nouveau. Gobas, à en juger par les journaux, va mal. Il est toujours à l'hôpital d'Avignon. Nous allons prendre le sac de Teddy. Vous me raconterez ensuite ce qui s'est passé. L'auto a bien marché ? Merveilleusement, assura Argoulian. Je suis content. Et vous avez fouillé Teddy ? Non, nous craignons qu'il... observa Piébald. Oh, il peut y avoir un réveil, mais jamais deux, fit Meraki en souriant, sûr de lui. Et la femme ? Elle paraît complètement idiote, déclara Piébald. Allons voir cela. « Après, nous causerons en dînant, » fit Meraki, « et vous changerez de costume. » Il se leva sur ces mots. Piébald et Argoulian l'imitèrent. Par un couloir coupé de plusieurs portes, toutes fermées à clé par prudence, qui faisait communiquer les deux pavillons, Meraki et ses compagnons gagnèrent le quartier des pensionnaires, c'est-à-dire des fous. Un infirmier, interpellé par le médecin, lui indiqua la cellule où avaient été enfermés les deux nouveaux arrivés. Meraki, flanqué de l'infirmier, un colosse aux mains d'écarisseurs, en ouvrit la porte. Piébald et Argoulian virent une vaste chambre à coucher, aux cloisons capitonnées comme celles d'un compartiment de première classe de chemin de fer. Comme meuble, une armoire à porte pleine aux angles arrondis, un grand lit, une table fixée au sol et deux fauteuils, pas de glace. Un soupirail, placé de façon à ce que l'occupant de la chambre ne pût l'atteindre, même en montant sur un fauteuil, aérait la pièce. Une grosse lentille de verre dépoli, derrière laquelle brillaient des ampoules électriques, était encastrée dans le plafond et distribuait dans la pièce une lumière bleuâtre. Teddy était assis dans un des fauteuils et semblait songer profondément. Sa compagne, étendue sur le lit, les yeux fermés, les bras ballants, paraissait dormir profondément. Du premier coup d'œil, Piébald et Argoulian remarquèrent que Teddy avait les pieds appuyés sur sa valise, qui lui servait en quelque sorte de tabouret. Le docteur Epimandas, Meraki, sans s'occuper de lui, marcha vers le lit et saisit le poignet gauche de la dormeuse. Ses yeux se rencontrèrent avec ceux de Piébald. « Prenez la valise, ordonna-t-il à l'infirmier. Celui-ci se disposa à obéir. Comme il se baissait, Teddy se dressa brusquement. « Bas les pattes !» gronda-t-il en anglais d'un ton rauque et menaçant, si menaçant que l'infirmier, malgré l'habitude professionnelle, recula instinctivement. « Voyons, mon ami, fit Meraki avec douceur, il vous faut laisser cette valise qui ne peut que vous embarrasser. »« Non, » articula nettement Edward Clams. « Vous pouvez être certain qu'on vous la rendra, cher monsieur, baragouina Meraki. Nous voulons simplement la faire examiner par la douane. Vous comprenez, la douane ?»« Non !» répéta Teddy d'un ton définitif. « Voyons, monsieur, je m'adresse à votre bon sens. Vous savez bien que la douane... Non !» Le docteur eut un léger haut-le-corps. Il comprenait l'inutilité de son insistance. « Théobald, souffla-t-il en se tournant vers l'infirmier. « Allez chercher un collègue. L'homme est buté et il lui faut lui enlever cette valise qui risque de donner un aliment à sa démence. Allez !»« Oh, je me charge de lui à moi seul, monsieur le docteur, » assura Théobald. Epaminondas, Meraki s'y connaissait en homme. « Allez chercher un de vos collègues, » répéta-t-il. Théobald sortit. Teddy, debout, sa valise entre les pieds, attendait menaçant. Il avait cette tête-là lorsqu'il m'a étranglé dans la croix, murmura Piébald à l'adresse d'Argoulian qui frémit. Meraki s'était approché du lit et considérait la dormeuse. Piébald, qui l'observait sans qu'il s'en doutât, vit une expression d'inquiétude passer sur son visage jaune. Mais Théobald revenait, accompagné d'un second infirmier, un véritable gnome, tête rentrée dans les épaules, corps énorme aussi large presque que haut. Tous deux échangèrent un coup d'œil, et ensemble se ruèrent sur Teddy avec une telle violence qu'il trébucha et tomba sur le tapis. Les infirmiers, lui saisissant les bras, essayèrent de le maintenir. Teddy poussa un formidable rugissement. Il se dégagea et, empoignant Théobald par la ceinture, le projeta contre la cloison, la tête en avant. Sans le capitonnage, l'infirmier se fut brisé le crâne. Son collègue, à la seconde suivante, reçut en pleine poitrine le talon du prétendu fou. Et le docteur Meraki n'eut que le temps de fuir dans le couloir pour ne pas être lui-même écrasé par le forcené. Piébald l'y avait précédé. Le petit homme, mettant l'instant à profit, s'était emparé du sac de voyage et avait filé, suivi d'Argoulian. Meraki siffla, trois autres infirmiers accoururent. Des coups sourds retentirent contre la porte que le docteur aliéniste avait prudemment refermée sur lui. Elle fut ouverte. Les trois infirmiers foncèrent dans la chambre. Il y eut une lutte courte mais ardente. Empoigné à la fois par ses quatre ennemis, car l'homme au corps de gnome était resté sans connaissance, Teddy se débattit, frappa, rua, mordit. Finalement, il fut réduit à l'impuissance, maintenu et lacé dans une camisole de force de triple toile. « Transportez la femme dans une autre cellule, » ordonna le docteur qui était resté à la porte. Un des infirmiers souleva la dormeuse, la prit dans ses bras comme un enfant, et derrière Meraki la porta dans une chambre située à l'autre extrémité du couloir. Argoulian et Piébald, ce dernier ayant à la main la précieuse valise, le suivirent. La jeune femme fut étendue sur le lit. Sur un signe de Meraki, les infirmiers sortirent. « Il faudrait aussi fouiller Teddy, » murmura Piébald. « Il doit avoir sur lui des... »« Avant tout, je dois m'occuper de la femme, » interrompit Meraki. « Elle agonise. »« Hein ?» sursauta Piébald. « Vous êtes sûr ?» commença Argoulian. « Oui, la dose de poudre déjà forte pour Teddy lui a été fatale. Oh, je comprends que vous n'ayez pu mesurer exactement la quantité qu'il devait absorber chacun. Enfin, la vérité est que cette femme me paraît perdue. » Cœur intermittent, pouls petit, extrémité déjà froide. Je vais faire l'impossible pour... Mais alors, nous sommes... bégaya Argoulian. Oh, je suis médecin, fit Meraki avec un sourire supérieur. Il existe assez de maladies pour que je lui en trouve une. Cette idiote-là avait bien besoin, maugréa Piébald. Chut. Je vais vous raccompagner dans mon cabinet où vous m'attendrez. Je vous y rejoindrai dès que possible. Venez. Il faudrait faire fouiller Teddy, et devant nous, observa Piébald, qui avait le sens des réalités. Je vais faire le nécessaire, promit Meraki. Tous trois sortirent de la chambre et, accompagnés d'un infirmier que le docteur avait appelé, regagnèrent la pièce où Teddy, étendu sur le lit, les deux bras collés au torse par la camisole de force, continuait à rugir et à écumer de rage. Pour pouvoir le fouiller, il fallut lui attacher les chevilles. L'infirmier dut couper ses vêtements. Il contenait, en plus d'un portefeuille bourré de papier, une mince pochette de caoutchouc dissimulée dans la patte de ceinture de son pantalon. Piébald s'en empara avidement. Puis, flanqué d'Argoulian et de Meraki, il se dirigea vers la véranda. Aussitôt la porte refermée, Piébald, à l'aide d'un canif, fendit la mince pellicule de caoutchouc. Il en retira un papier qu'il déplia et lut. « Pas la peine de chercher dans le sac, s'écria-t-il. Les perles n'y sont pas. Mais maintenant, nous voilà fixés. » Et la face fendue par un sourire de joie et de triomphe, le bandit tendit le papier à Argoulian. Meraki se pencha sur l'épaule du marchand de pierreries pour lire, lui aussi.